franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, chronique d'un conflit au plus haut sommet de l'État, l'affrontement Mitterrand-Rocard. Quelle inculture, disait le président de son premier ministre. Quelle incompétence, répondait ce dernier. Incompréhension, rivalité, choc de deux personnalités que tout oppose, y compris les idées au sein de Gaulle, sœurs ennemies, l'ancienne et la nouvelle, la première ou la deuxième, les socialistes et les sociodémocrates. Clivage d'ailleurs qui s'est fait sentir aujourd'hui encore au sein du PS, fracturé entre les réformateurs du gouvernement et les frondeurs de l'Assemblée. La comparaison s'arrête là. Pourtant, comme l'écrivait l'ancien rédacteur en chef du Nouvel Obs, Robert Schneider, Mitterrand et Rocard étaient complémentaires, faits pour s'entendre et gouverner ensemble. Le premier, étatique et secret, était né président, le second, imaginatif et pédagogue, était né gestionnaire. À l'un, Mitterrand, les grandes orientations, à l'autre, Rocard, les dossiers de la vie quotidienne, à l'un, la France, à l'autre, les Français. Deux trajectoires personnelles qui s'affrontent, deux représentations de la société qui s'opposent, deux manières de penser l'avenir qui se défient. Une situation qui a généré, sur la place publique comme en coulisses, un antagonisme de plus de 20 ans, même 30 ans. Une histoire commencée dans les rangs de l'opposition socialiste pour se finir au sommet de l'État. Pour en parler après le récit, nous recevons l'historien Michel Vinocq. Il est l'auteur d'une biographie consacrée à François Mitterrand, intitulée tout simplement Mitterrand, aux éditions Gallimard Folio Biographie. Ce sera en fait une nouvelle édition de son livre paru en 2015. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Fanny Cohen-Moreau, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Henri Bérec. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mercredi 15 mai 1991, Paris, les 8h45. Une R25 grise, escortée par deux motards, file à vive allure dans les rues de la capitale. À son bord, le Premier ministre Michel Rocard, son chauffeur et l'un de ses conseillers. Leur destination, le palais de l'Élysée, où se tient comme chaque mercredi le Conseil des ministres. Assis à l'arrière, le chef du gouvernement feuillette ses dossiers. Chacun d'eux lui rappelle qu'en ce printemps 91, la situation politique du pays est critique. La rue est en colère et autour des villes, les banlieues flambent. Quant aux sondages, ils sont en chute libre. Depuis plusieurs semaines, le président de la République, François Mitterrand, lui demande de réagir, de reprendre l'initiative, d'inverser la tendance. Faute de quoi, il paiera le prix de son échec. Ce mercredi matin, c'est donc un Michel Rocard inquiet qui se présente à 9h face aux grilles du palais de l'Élysée. D'autant plus inquiet que la rumeur de son départ enfle chaque jour un peu plus dans la presse. La veille, à la radio, il a entendu Jacques Séguéla, publicitaire et ami intime du président, déclarer « La fin de Rocard, c'est pour bientôt ». Ce matin, sur France Inter, le sort de ce Premier ministre, comme suspendu à un fil, fait une nouvelle fois la une de l'actualité. France Inter. Intermatin, le journal de Denis Astagnon. Élysée Matignon, de fort mauvaises rumeurs. Michel Rocard serait sur le départ. C'est en tout cas ce qui a agité hier toute la classe politique française. France Inter. Rumeur, quand tu nous tiens, on n'a parlé que de cela toute la journée d'hier. Rocard était sur le départ et beaucoup avaient sur le bout de la langue le nom de son successeur au poste de Premier ministre. La rumeur n'était plus un chuchotement, c'était un véritable bruit, presque un vacarme, qui résonnait des couloirs de l'Assemblée au vestibule des ministères. Quel contraste avec le silence total de l'Élysée comme de Matignon sur cette affaire. Alors avec vous, Simon Tivol, essayons de clarifier les choses. D'abord, s'agit-il d'un changement de Premier ministre ou d'un remaniement ministériel ? Alors selon les indiscrétions parties dans un premier temps de l'entourage de François Mitterrand, à l'Élysée, il s'agirait bel et bien de changer de Premier ministre et pas seulement de donner un coup de peinture à l'équipe gouvernementale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un changement imminent, soyons prudents, alors qu'on l'attendait plutôt ce changement pour le début de l'été. Au moment de détacher sa ceinture, Michel Rocard est conscient qu'il est en sursis à Matignon. D'ailleurs, lorsqu'il monte les marches du perron de l'Élysée, il tente de se convaincre. Mais non, voyons, changer un premier ministre en pleine session parlementaire, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la Ve. Quelques instants plus tard, il entre dans le bureau du chef de l'État. Celui-ci est assis et ne relève pas la tête. Michel Rocard le salue et s'installe dans le fauteuil en face. Brusquement, le président se redresse, le regarde et lui dit « La rumeur devient très forte, il faut accélérer. J'attends votre lettre de démission à l'issue du conseil. » Désemparé, Michel Rocard lui répond « Monsieur le président, sommes-nous vraiment un ou deux jours près ? J'ai prévu d'aller demain au conseil d'État pour présenter mon projet de loi sur les écoutes téléphoniques. » Mitterrand l'interrompt brusquement. « Non, nous devons aller vite, sinon nous donnerons une impression d'indécision. » C'est avec cet ultimatum dans son gros cartable que le futur ex-premier ministre accompagne le président au salon Murat, là où se tient le conseil des ministres, à 9h30 précise. François Mitterrand et Michel Rocard s'assoient face à face, mais ils ne se regardent pas. Le ministre des Affaires sociales, Claude Évin, un proche du premier ministre, constate que le chef du gouvernement n'ouvre pas ses dossiers, qu'il ne prend aucune note. À la fin du conseil, il s'approche et lui demande inquiet « Michel, tu pars ?»« Oui, c'est fini », lui répond Rocard. À 11h30, il revient à Matignon et s'enferme avec son chef de cabinet, Jean-Paul Huchon. « Et qui prend ta place ?» lui demande-t-il. « J'en sais rien. Le président n'a pas daigné me le dire. » Et Michel Rocard ajoute « J'écris ma lettre de démission à Mitterrand et je l'envoie tout de suite. » Jean-Paul Huchon s'occupe alors du déménagement en urgence. De son côté, Michel Rocard reste seul et rédige ses derniers mots en tant que Premier ministre. Sur une page blanche, il écrit cette amorce. « Monsieur le Président, à l'heure où il me faut vous présenter ma démission. » Une première phrase qui en dit long sur le sentiment d'abandon qui envahit ce Premier ministre et conduit cette impression d'être aussi victime d'un président qui décidément ne fait preuve d'aucun égard. Rendu public dans l'après-midi, la nouvelle fait le tour des rédactions, bien sûr. Avec elle, évidemment, cette question, qui sera le prochain chef de gouvernement ? L'Élysée maintient le suspense. Michel Rocard affirmera qu'il a découvert le nom de son successeur lors de l'annonce faite le soir même à 20h par le président de la République à la télévision, autrement dit comme vous et moi, relégués au rang de simples citoyens, spectateurs impuissants de sa disgrâce. Mes chers compatriotes, vous savez que ce matin, M. Michel Rocard m'a remis sa démission. Cet après-midi, j'ai nommé Mme Edith Cresson, Premier ministre. Elle me proposera demain, jeudi, la liste des ministres. Ils se mettront aussitôt au travail. Devant leur télé, les Français assistent en direct à l'épilogue d'une journée brutale qui met en lumière toute la complexité de la relation entre les deux hommes qui se sont toujours regardés en chien de faïence. Mais pourquoi, au juste ? Il doit bien y avoir quelque chose de précis, un fait ou plusieurs, dont les traces sont encore là, toujours vives, comme une blessure qui ne voudrait pas cicatriser. Pour le comprendre, il est nécessaire de remonter le temps, comme souvent. 20 ans, en l'occurrence, à une période où les pavés parisiens tremblaient encore au rythme des manifestations étudiantes et pendant laquelle François Mitterrand et Michel Rocard tentaient d'imposer leur style et leurs idées dans les rangs de l'opposition. Juillet 1971, Paris, cité Malesherbes, siège du Parti Socialiste. Au troisième étage, dans le bureau du premier secrétaire, s'est installé le nouvel homme fort de la gauche, François Mitterrand. Un mois plus tôt, grâce à un tour de passe-passe politique mémorable, jonglant mieux que personne avec les rapports de force au sein du PS, cet homme, qui quelques jours avant n'avait même pas sa carte au Parti Socialiste, remporte le congrès d'Épinay et devient le chef. Immédiatement, sa doctrine se dessine et tient en un mot « union ». Car pour remporter les prochaines élections, la gauche doit se rassembler derrière un seul candidat, message adressé évidemment et en premier lieu au Parti communiste. Mais pas seulement. Alors, en ce jour de juillet 71, Mitterrand reçoit le chef de file du Parti Socialiste Unifié, le PSU, l'aile gauche de la gauche. Et ce chef de file, c'est un jeune homme brun, dynamique, moderne, un homme que les Français connaissent. Il était 2 ans auparavant candidat à la présidentielle remportée par Georges Pompidou. Cette tribune a fait de lui un député, chef de parti et surtout une figure médiatique, une offre politique qui séduit la presse. Hier, marginalisé, son petit parti, le PSU, est désormais au cœur du débat. Michel Rocard, toutes ces études, tous ces diplômes auraient pu vous mener à une carrière beaucoup plus rémunératrice. Pourquoi avoir choisi la politique ? D'abord, c'est vrai. La majorité de mes camarades de promotion sont banquiers, directeurs de ministères, etc. Je crois que j'ai fait un choix plus passionnant. Et il y a une certaine noblesse à défendre des idées auxquelles on croit, même si ce n'est pas financièrement fructueux, bien au contraire, il y a beaucoup à y perdre. En ce début d'été 1971, Michel Rocard symbolise dans la presse l'homme de la gauche moderne, alors que François Mitterrand fait pâle figure. Certes, on admire son charisme, on vante son intelligence et son expérience aux responsabilités. Mais en 1971, il n'incarne pas le renouveau. À gauche, certains le considèrent même comme un arriviste, un simple converti, d'où cette fameuse phrase de Guy Mollet, l'ancien numéro 1 de la SFIO, qui disait de lui « Il a appris à parler socialiste ». Eh bien, disons que cet homme apprend vite. Écoutez. Nous sommes là comme des ouvriers à pied d'œuvre. Nous aimons ce que nous faisons. De nos mains et de notre esprit, nous construisons le socialisme. Au moment où les deux hommes se font face et se serrent la main dans les bureaux de la cité Malesherbes en ce mois de juillet 71, ce sont donc deux trajectoires politiques différentes qui se rencontrent. Le contraste est même saisissant. La différence d'âge d'abord. Mitterrand a 55 ans, Rocard 41. Le premier a connu la Seconde Guerre mondiale, Vichy, la Résistance, puis les heures et déconvenues de la Quatrième République et enfin la guerre d'Algérie. Le second, trop jeune au moment des faits, n'a pas pris part à ces événements. Son combat, c'est mai 68, où il est en première ligne. Ce même mouvement qu'un certain François Mitterrand regardait passer sous ses fenêtres de la rue Guynemer, tout en cherchant à comprendre les codes, avant de se découvrir imprudemment, s'estimant prêt à assumer un pouvoir que le général de Gaulle semblait un temps abandonner. Autre différence, la construction intellectuelle. François Mitterrand est un amoureux de l'écriture, de la lecture, de l'histoire. Michel Rocard, lui, est un passionné de sociologie et d'économie. L'intello et le prosaïque, diraient les anti-rocardiens les plus virulents. Différence de style aussi. Mitterrand, le plus vieux, est connu pour son calme et son sang-froid. Rocard, le plus jeune, figure d'homme nerveux et impatient, voire agité. Enfin, les deux hommes ont des origines et une éducation qui n'ont rien en commun. Mitterrand vient de la province, de la Charente. Rocard, lui, a grandi en banlieue parisienne. Le premier est croyant, marqué par une éducation catholique. Le second est agnostique et a été scout, mouvance protestante. Ces différences se ressentent dans leurs échanges. Pour le dire clairement, ils ne se comprennent pas. Et le résultat de cette rencontre de juillet 71 au siège du PS est à l'image de la relation qu'ils vont entretenir, conflictuelle. Car Rocard se braque immédiatement quand Mitterrand lui propose d'intégrer le PSU dans le PS. Devant cette sorte de fusion-acquisition politique, le refus est catégorique. Pour François Mitterrand, Rocard n'est qu'un jeune énarque ambitieux et méprisant. Pour Michel Rocard, Mitterrand n'est qu'un vestige de la quatrième archaïque et égoïste. Trois ans plus tard, en 1974, Michel Rocard rejoint finalement le Parti Socialiste. Nécessité faisant loi, Mitterrand considère qu'il est préférable de l'avoir à l'intérieur, quitte à se fâcher un peu avec les communistes, plutôt que d'en faire un électron libre qui pourrait être incontrôlable. Le secrétaire du PS lui offre un poste de conseiller aux affaires sociales, ce qui, dans l'organigramme du parti, n'est pas vraiment une place d'honneur intéressante, certes, mais pas exposée. Et Michel Rocard ne s'en satisfait pas, bien sûr, car il veut peser dans le débat. Au sein du PS, des tensions éclatent. Au congrès de Nantes, en 1977, Rocard lance les hostilités et affirme qu'il existe deux gauches, l'une jacobine, l'autre décentralisatrice. Malaise dans le camp socialiste. L'affrontement que tous les observateurs pressentaient entre François Mitterrand et Michel Rocard est devenu une réalité plutôt qu'on ne l'envisageait. Le ton entre les protagonistes et leurs alliés est devenu agressif, corrosif, voire malveillant. Casson de fer, n'hésitez pas, sur notre antenne, hier matin, à comparer les propositions économiques de Michel Rocard à la politique d'un Pierre Laval. Jacques Delors, vous êtes considéré comme un sage, il est difficile de vous situer comme étant plus favorable à un camp qu'à un autre, même si vous êtes un des collaborateurs de François Mitterrand, vos analyses économiques sont souvent pas très éloignées de celles de Michel Rocard. Alors, toutes ces déclarations, toutes ces manœuvres m'amènent à vous poser une question, à quoi joue-t-on au Parti Socialiste ? Vous savez, les petits complots de couloir, faire ami-ami avec les uns ou les autres, les petites phrases empoisonnées, ça ne m'intéresse pas. Et ça n'intéresse pas les militants du parti. Les petites phrases empoisonnées, ça peut faire la une des journaux. Ça peut ravir vos adversaires politiques, mais ça ne fait en aucun cas redresser le débat politique. François Mitterrand est furieux. Cité Malesherbes, à Paris, au siège du PS, le climat se tend. De son côté, Michel Rocard s'interroge sur la stratégie qu'il doit adopter. Doit-il se risquer à l'affrontement avec Mitterrand? Ou au contraire, doit-il faire machine arrière et se placer comme l'héritier du premier secrétaire? Il n'arrive pas à trancher. Et puis, brusquement, en mars 1978, à l'occasion de la énième défaite de la gauche, pendant la soirée électorale, Michel Rocard tient des propos saisissants, protestant contre cette fatalité qui voudrait que son camp soit toujours battu, fustigeant un certain style de politique, un certain archaïsme qui sont condamnés, dit-il. Je reprends ces mots, suivez son regard. Un an plus tard, au mois de juin 1978, les deux hommes se rencontrent à Conflans-Sainte-Honorine, le fief politique de Michel Rocard, dans le plus grand secret. Ils déjeunent en tête-à-tête, avec l'espoir d'apaiser leurs relations. Deux heures plus tard, François Mitterrand ressort, le premier du restaurant. C'est là qu'il dit « quelle inculture ». Quelques minutes plus tard, Rocard sort à son tour et c'est là qu'il réplique « quelle incompétence ». Deux phrases symboles d'un échec, deux phrases symboles d'une relation impossible, d'un gouffre. C'est vrai, camarades, que nous ne faisons pas la chasse aux laïcs, que nous ne faisons pas la chasse aux chrétiens. Avril 1979, les socialistes se réunissent à Metz pour un grand congrès. L'objectif est double. Déterminer une ligne politique pour le parti et surtout préparer la candidature de la gauche pour la présidentielle de 1981. Au micro, à la tribune, deux discours sont particulièrement attendus. D'un côté, celui du réalisme économique de Michel Rocard, de l'autre, celui de l'union de la gauche de François Mitterrand. Mais très vite, loin des micros et des projecteurs, mitterrandiens et rocardiens jouent des coudes pour monter des alliances. C'est la fameuse valse d'émotions sans laquelle un congrès du PS ne serait plus un congrès du PS. Alors, Rocard peut-il faire basculer la donne et récupérer le parti? Il l'espère. Au fil des heures, l'ambiance se dégrade. Le suspense monte d'un cran. Pour répondre aux thèses économiques développées par les rocardiens, François Mitterrand envoie à la tribune l'un de ses porte-flingues les plus talentueux, le jeune Laurent Fabius, qui déclare sans pitié « Entre le plan et le marché, il y a nous, le socialisme ». Le lendemain, les militants rendent leur décision. Elle est sans appel. La motion menée par François Mitterrand l'emporte avec 45% des voix. Michel Rocard est deuxième, loin derrière, avec seulement 20%. Bon prince et bon usage des rites républicains, Michel Rocard s'incline. Permettez-moi de préciser un détail. Cher François Mitterrand, ce ne sera pas l'opposition du prétendant. J'ai dit et répété, je le répète ici, qu'en votre qualité de premier secrétaire, vous serez le premier d'entre nous qui aura à prendre sa décision personnelle sur le point de dire s'il est candidat aux prochaines élections présidentielles. Et si vous l'êtes, je ne le serai pas contre vous. Mitterrand a gagné. En apparence, Rocard s'avoue vaincu. En apparence. Car dans les mois qui suivent, encouragés par d'excellents sondages, les rocardiens croient en leur destin et en celui de leur chef. Qui mieux que Michel Rocard pour incarner la jeunesse? Qui mieux que lui peut incarner le renouveau? Pourquoi ne jouerait-il pas sa carte jusqu'au bout? D'autant que, de son côté, François Mitterrand continue d'alimenter le flou autour de sa candidature. C'est dans ce contexte que le 19 octobre 1980, un an seulement après le congrès de Metz, survient ce coup de théâtre. Michel Rocard coupe l'herbe sous le pied de son rival et annonce à la télé qu'il se lance dans la course à la présidentielle de 1981. Le premier secrétaire ne réagit pas. Mais au PS, la fracture est profonde. Doit-on suivre Rocard ou doit-on attendre Mitterrand? Sur France Inter, le journaliste Hervé Hamon décrypte. Le duel Rocard-Mitterrand, enfin pour dramatiser un peu le terme, ça n'est pas un combat des chefs. C'est beaucoup trop simple de voir les choses comme ça. C'est effectivement deux traditions de la gauche qui s'affrontent au fond depuis la guerre d'Algérie. Rocard, c'est cette tradition qui est passée par le PSU, qui est passée par le club Jean Moulin, qui est décentralisatrice, qui est anti-jacobine. Mitterrand, c'est l'homme de l'union de la gauche, c'est l'homme qui est revenu aux affaires politiques à travers une alliance entre Mollet et Thorez en 65. Je veux dire d'abord que c'est un personnage chaleureux, que c'est un homme qui travaille en équipe, ce qui est singulier dans ce milieu, et que c'est un homme qui respecte les journalistes, ce qui est encore plus singulier. L'affrontement entre François Mitterrand et Michel Rocard ne dure que quelques jours. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, forcé et contraint, précipite son annonce et se déclare à son tour candidat à la présidentielle au cours d'une allocution totalement ratée où il ne regarde pas la bonne caméra, une prestation d'amateur pour Michel Rocard. Et puis, à la surprise générale, il fait immédiatement marche arrière, se retire et se range derrière François Mitterrand. Alors, s'agissait-il d'un simple coup de bluff ? Rocard a-t-il voulu montrer qu'il ne fallait pas le sous-estimer ? A-t-il voulu imposer son tempo à tout le PS ? Certains observateurs estiment même qu'il a pu s'agir d'un piège tendu par le clan Mitterrand pour décrédibiliser Rocard en le poussant à se présenter puis à se retirer juste après. Si un certain flou règne encore sur cet épisode, une chose est sûre. À la fin de l'année 80, le seul candidat de la gauche à la présidentielle, c'est François Mitterrand. Et la question que tout le monde se pose est de savoir s'il peut l'emporter face au président sortant Valéry Giscard d'Estaing. Autrement dit, réussira-t-il à être le premier socialiste à s'installer à l'Élysée sous la Ve ? Un homme dans son camp en est certain. Il le dit, il l'affirme, et il se trouve que cet homme, c'est Michel Rocard. Ce qui nous unit est bien suffisamment fort pour que je puisse donner ici tranquillement à M. Giscard d'Estaing l'assurance qu'il aura contre lui l'an prochain. Un candidat socialiste porté par un parti puissant et rassemblé et avec une très solide volonté de victoire. Qu'est-ce qui t'a pris, bordel, de casser la cabane? Sortir ton canif, ouvrir le billet de primitif qui débarquait de sa savane. La nostalgie comme un bar, la nostalgie comme un bar, la nostalgie comme un bar, la nostalgie comme un bar. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette fille diaphane contre son gré et sous ses griffes? Des regrets, tu réponds négatif. Mieux encore, tu ricanes. La nostalgie comme un bar, la nostalgie comme un bar, la nostalgie comme un bar, la nostalgie comme un bar. Qu'est-ce qui te prend au sucre de canne de te klaxonner la gueule, sombrer sur les récifs de ta mémoire et revoir ton passif en respirant la colophane. La nostalgie comme un bar, la nostalgie comme un bar, la nostalgie comme un bar, la nostalgie comme un bar. Il s'en passe des choses sous ton crâne rasé, c'est plein de tristesse et de kiff. Encore en tenue léopard, bourré d'explosifs, sauter de ton aéroplane. La nostalgie comme un bar, la nostalgie comme un bar, la nostalgie comme un bar, la nostalgie comme un bar. Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue de la maison de Radio France Quai Kennedy à Paris, où nous sommes en ce moment, et j'ai l'impression, d'après les chiffres que nous possédons, pour une très très longue soirée. Bienvenue d'abord aux auditeurs de France Inter qui se déplacent avec leur transistor ou qui sont carrément à bord de leur voiture. Cette petite musique vous annonce que les chiffres sont à l'antenne. Dans quelques instants, la première estimation sur les différents candidats, c'est-à-dire qui est en tête. 20h. Voilà l'estimation. 20h, François Mitterrand aurait obtenu 51,7% et Valéry Giscard d'Estaing aurait obtenu 48,3%. Je crois que je vois Lionel Jospin qui est assis. Peut-être peut-on le mettre à l'antenne tout de suite et on va essayer d'avoir une déclaration. Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti Socialiste. Ce que je voudrais dire, c'est que dans un grand élan populaire et national, le peuple français vient d'élire François Mitterrand à la présidence de la République française. Dimanche 10 mai 1981, Paris, les 23h. La capitale est en liesse. Dans les rues, les voitures klaxonnent. Dans le métro, les gens chantent en chœur la Marseillaise. Place de la Bastille, sur la grande colonne de Juillet, on accroche des drapeaux bleu, blanc, rouge. Depuis l'annonce des résultats, plusieurs dizaines de milliers de personnes affluent ici pour fêter la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle. Après 23 ans de disette sous la Ve République, la gauche est enfin au pouvoir. Situation qui rime à l'époque avec espoir. C'est tout le sens de ce rassemblement populaire. Sur la tribune, on aperçoit les ténors du PS, Paul Quilès, Lionel Jospin, Pierre Mauroy, Roland Dumas. Mais l'invité qui attire l'attention, c'est Michel Rocard. Rocard, l'outsider politique. Celui qui, jusqu'au dernier moment, a voulu prendre la place de Mitterrand. Il est là, ému. Il prononce quelques mots improvisés pour féliciter le vainqueur. Son discours est retransmis à la télé. Derrière lui, en arrière-plan, on aperçoit des grands panneaux sur lesquels on peut lire « Mitterrand, la France t'attendait ». Dans les jours qui suivent, François Mitterrand nomme Pierre Mauroy au poste de Premier ministre. Et Michel Rocard devient ministre du plan, autrement dit au placard. Humiliation. Le temps a toujours été le meilleur allié de François Mitterrand, fin stratège. Il a joué le jeu pendant 2 ans, laissant Michel Rocard occuper la scène médiatique à jouer les modernes, pour mieux lui offrir un Marocain technique de ceux qui n'attirent ni micro ni projecteur. 2 ans plus tard, en 1983, il finit par lui confier un ministère de terrain, un vrai quoi, l'agriculture. Mais ce n'est pas fini. 1 an plus tard, François Mitterrand nomme le jeune Laurent Fabius à Matignon. À 37 ans, ce brillant énarque charmeur et charmant donne le ton et impose un style autour d'une doctrine « moderniser la France ». « Du pillage !» s'exclame Rocard, qui comprend immédiatement le danger. Sa politique du renouveau et de la modernité va se banaliser, il va même en être spolié. C'est clair comme de l'eau de roche, son prochain rival, ce sera lui, Laurent Fabius, une créature mitterrandienne. Alors, mieux vaut s'éloigner de tout ce beau monde. Le coup de théâtre a éclaté à 2h44 du matin et en 15 mots. Michel Rocard a présenté cette nuit sa démission du gouvernement au président de la République. C'était net, c'était bref et c'est tout. Le secrétariat du ministre de l'Agriculture n'a pas voulu en dire plus et Michel Rocard se tait. Son successeur au ministère de l'Agriculture est M. Henri Nallet, qui est conseiller technique à l'Élysée. Le 4 avril 1985, Michel Rocard réalise l'une des sorties les plus théâtrales d'un gouvernement de la Ve. Son prétexte, le mode de scrutin saupoudré de proportionnel que le gouvernement a choisi pour les prochaines élections et avec lequel il est en profond désaccord. Officieusement, il se dit que Rocard a déjà en ligne de mire la prochaine élection présidentielle, celle du printemps 88. De son côté, François Mitterrand est furieux, furieux de ce pied de nez adressé par celui qu'il considère comme un homme puéril, gâté et impatient. 1 an plus tard, la gauche est battue aux législatives de 1986. Jacques Chirac débarque à Matignon. Pour la première fois, un président de la République et un premier ministre de bord politique opposé doivent travailler ensemble. C'est la première cohabitation. Isolé à l'Élysée, François Mitterrand est dans une position délicate. Pendant ce temps, Michel Rocard se lance dans un tour de France au parfum de pré-campagne. Il est partout, à la télé, dans la presse, il est dans la lumière, pendant que François Mitterrand est dans l'ombre, retranché au palais de l'Élysée. Pour garder la main, le chef de l'État invite Michel Rocard à l'Élysée en décembre 1987. À ce moment précis, personne ne sait s'il va se présenter. C'est le privilège des présidents. Tous entretiennent le mystère sur leur candidature jusqu'à aujourd'hui. L'actualité nous le rappelle. Rocard veut être candidat en 88 et le dit à François Mitterrand qui lui répond comme en 1981 « Mais faites donc, c'est votre responsabilité, pas la mienne ». Bien. Face à ce voyant en Nivernais rouge, autrement dit mitterrandien, Rocard hésite. Doit-il tenter sa chance une deuxième fois, avec le risque de se faire encore humilier si Mitterrand y va? Suspense à gauche. Mais là encore, en apparence, car bien plus tard, il se dira que les deux hommes ont signé ce jour-là un pacte de confiance afin de ne présenter qu'une seule candidature pour la présidentielle de 88. Et cette candidature, c'est celle de François Mitterrand qui l'annonce le 22 mars, 1 mois et demi seulement avant le premier tour de l'élection, avec ce oui de chanoine qui montre toute sa force et sa sérénité à ce moment précis de son parcours. Ma première question est simple et directe à la fois, vous allez le voir. Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question, Monsieur le Président. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République. Oui. Vous avez mûrement réfléchi? Je le crois. On peut savoir quand vous avez pris cette décision. Certains disent c'est en juillet 87, d'autres disent c'est pendant les fêtes de fin d'année. Je n'en sais rien moi-même. Un mois et demi plus tard, le 8 mai 1988, François Mitterrand remporte une victoire éclatante avec 54% des suffrages, un triomphe. Après seulement 2 mois de campagne et 2 ans à semer les graines de la division au sein de la droite, soutenant toutes les forces sociales en lutte contre le gouvernement Chirac, les jeunes notamment qui lui disaient « Tonton, laisse pas béton », il devient le premier président de la République à effectuer 2 mandats d'affilée. À 72 ans, grâce à une gestion politique de la cohabitation qui ferait passer Machiavel pour un amateur, il apparaît comme le président de la jeunesse, du renouveau, l'artiste, titre d'ailleurs le journal Libération au lendemain de sa réélection. Les rumeurs vont alors bon train sur le nom du prochain ministre, comme d'habitude. Peu après sa réélection, le président organise un déjeuner entre 3 prétendants. Pierre Bérégovoy, Jean-Louis Bianco et Michel Rocard. À la fin du repas, Mitterrand se tourne vers Bérégovoy et lui dit, à voix haute, « Si je devais choisir le candidat de mon cœur, ce serait vous, Pierre. J'ai confiance en vous, je sais que vous pensez comme moi. » Suite d'un silence de quelques secondes qu'on imagine pesant, surtout au regard de l'enjeu, avant que le président n'ajoute, « Mais celui qui est en situation pour assurer cette responsabilité, c'est vous, Michel Rocard. C'est vous que je vais nommer Premier ministre. » Un dessinateur de presse aurait pu croquer Mitterrand se pinçant le nez à ce moment précis. Quelques heures plus tard, sur le perron de l'Élysée, Jean-Louis Bianco, toujours secrétaire général, annonce... Le président de la République, vu l'article 8 de la Constitution, décrète Monsieur Michel Rocard est nommé Premier ministre. Rocard à Matignon, un choix politique, rien d'autre. L'homme représente l'ouverture que les Français réclament. Et s'il échoue, François Mitterrand aura enfin la possibilité de l'écarter définitivement. Ça s'appelle lever l'hypothèque. D'ailleurs, à ses proches qui s'étonnaient de ce choix, Mitterrand aurait répondu « Oh, c'est l'affaire de 18 mois tout au plus. À ce moment-là, on verra à travers. » En réalité, le Premier ministre tiendra 3 ans et 5 jours. C'est bien plus que Laurent Fabius à ce poste, quasiment autant que Pierre Mauroy. Entre-temps, Michel Rocard aura engrangé des succès majeurs. Les accords de Matignon, traité qui met un terme au conflit en Nouvelle-Calédonie, le RMI, la loi Guesso, texte qui réprime le négationnisme et l'antisémitisme, un bilan plus qu'honorable pour un Premier ministre. Seulement voilà, Mitterrand veut se débarrasser de Rocard, encore et toujours. D'autant qu'il est convaincu que son Premier ministre essaie en permanence de le doubler en faisant alliance avec les centristes pour gouverner. Alors il faut lui barrer la route pour la présidentielle de 95. Et pour ça, il fallait lui enlever d'abord Matignon. Un préalable, pas question de lui laisser un tremplin. Reste 3 ans, où avec François Mitterrand à l'Élysée, Michel Rocard à Matignon, la gauche au pouvoir s'est retrouvée dans une cohabitation, disons, endogène, transformant l'exécutif en une diarchie dissonante, comme d'autres en ont connu à droite, entre Pompidou et Chaban, Giscard et Chirac. Ainsi, entre Mitterrand et Rocard, les conseils des ministres, les rendez-vous entre les deux hommes, sont-ils placés sous le signe de l'incompréhension et de la tension? Jusqu'à cette journée du 15 mai 1991, journée où le vase des rancœurs a fini par déborder. Mais ce jour-là, le président de la République a bien limogé son Premier ministre comme on limoge un domestique. L'épreuve du pouvoir aura eu raison de leur relation impossible. Elle l'aura validée jusqu'à l'estocade. Lorsque François Mitterrand promeut en sous-main l'ascension de Bernard Tapie lors des Européennes de 94 comme un scud contre Michel Rocard dont la liste fait à peine mieux que celle de l'homme d'affaires. Résultat, l'ancien Premier ministre de François Mitterrand n'est plus en situation de se présenter à la présidentielle de 95. Le 8 janvier 1996, après avoir courageusement lutté contre la maladie, l'ancien président tire sa révérence et quitte ce monde. De ce jour, Michel Rocard ne s'est plus lancé dans la présidentielle, comme si son ambition ne pouvait se nourrir que de la féroce adversité de François Mitterrand. Drive your problems from here. conscience is clear. I hear you talk, girl, now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. We just picked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing hold. All God's children took their toll. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la rivalité Mitterrand-Rocard. Notre invité, l'historien Michel Vinocq. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence consacré à la vie et au parcours de François Mitterrand. Je le dis parce qu'il y a eu tellement qu'il y a bien forcément des ouvrages de référence et ça tombe notamment sur le vôtre et c'est bien. Il est intitulé Mitterrand, tout simplement. Donc, ouvrage paru aux éditions NRF Gallimard en 2015 hein, et qui est réédité la semaine prochaine, c'est ça, dans la collection Poche Folio Biographie. C'est exact? Exact. Tout va bien. Alors, on l'a vu lors de son décès hein, cet été, les hommages à Michel Rocard ont été unanimes. Hein. Tout le monde reconnaît sa pensée originale, son action en tant que Premier ministre. Disons qu'il a eu la malchance d'être un contemporain de Mitterrand, c'est un peu l'histoire Salieri-Mozart, vous savez. Pas d'espace pour l'un face à la grandeur de l'autre, même si le premier est grand aussi. Tout ça pour vous poser cette question, quelle trace, selon vous, laissera Michel Rocard dans l'histoire de la Ve République ? Une trace certainement profonde, et notamment, évidemment, dans les rangs de la gauche. La gauche est divisée, elle est même archidivisée, mais il y a ce que Rocard a très bien dit, et vous l'avez rappelé, au congrès de Nantes, fondamentalement, de gauche, celle qui est beaucoup plus étatique, jacobine, marxiste, et l'autre qui a une tradition très ancienne également, qui remonte à Proudhon, et qui se défie de l'État, qui refuse le tout État, et qui place ses espoirs dans ce que nous appelons la société civile. Donc d'un côté, plus d'État, plus de lois, plus de direction. Et de l'autre côté, plus d'innovation, de dynamisme du côté de la société, du côté des mouvements sociaux. Et tout cela et des a été syndicats aussi, hein, ou, des syndicats, ou de la cohésion, par absolument. Exemple. Et ben justement, j'allais le dire. Ah, quel est le mot qui va résumer cela à un moment donné, en 68 et dans les quelques années qui vont suivre? Autogestion. L'autogouvernement, non seulement dans l'entreprise ça va de soi, mais aussi dans toutes les instances de la vie publique, n'est-ce pas ? Il faut que les citoyens prennent leur destin en main. Bon, c'est ce qu'on a appelé à un moment donné le socialisme par le bas, qui s'opposait au socialisme par le haut, c'est-à-dire le parti qui dirige tout, et qui place son espoir dans l'État avant tout et la législation. Ces deux gauches-là, que Rocard a bien caractérisé par conséquent. Et incarné. Ça n'aurait pas empêché certainement une entente entre les deux hommes. Parce que, au fond, Mitterrand n'est pas un homme d'idées. C'est un homme d'action et de pouvoir. Il est de gauche. Il a certainement une vocation de politique sociale. Son socialisme n'est pas enraciné dans une culture politique. Il est venu très tard au socialisme. Il est avant tout un littéraire, un juriste, pourrait-on dire, un homme politique qui a été le plus jeune ministre de France après la guerre. C'est un ambitieux, un politicien, pourrait-on dire, pas seulement au sens péjoratif, mais aussi au sens de la tactique, de absolument. La stratégie, qui fait partie de la vie politique. Des alliances, etc. Alors que Rocard, lui, est beaucoup plus un homme de conviction, d'idées, et les deux tempéraments étaient tellement contrastés que, au-delà des idées, il y a quand même une rivalité de personnes que vous avez assez bien caractérisées tout à l'heure, n'est-ce pas ? Et que je répéterai en deux mots. Il y a d'un côté François Mitterrand, un homme qui cultive le secret, le mystère, l'ambiguïté, et c'est ce qui fait du reste une part de son ascendant, car il intrigue. On ne sait jamais ce que ces phrases veulent dire, parce que on peut les interpréter de plusieurs façons. N'empêche qu'il interpelle notre intelligence, à savoir lire entre les lignes. Certaines, c'est déjà pas mal. Certainement, mais on peut se tromper. Ah bah oui, parce que c'est un risque. Et du reste, beaucoup se sont trompés parfois. Bien sûr. Mais, et puis alors, la culture littéraire, n'est-ce pas ? C'est un homme, c'est un esthète, François Mitterrand. C'est un esthète épicurien qui aime les choses de la vie, tandis que Rocard, c'est, on pourrait dire, un énarque qui est avant tout un homme de dossier, qui n'a pas de culture littéraire, qui a une culture économique, en revanche, d'où le mot « quelle incompétence » en parlant de Mitterrand, et l'autre, alors, quelle inculture. Très bien, est-ce qu'on pourrait dire que Michel Rocard a une double filiation avec Mendès France sur le terrain des idées et aussi sur la façon de pratiquer la politique, qui semble plus vertueuse? Est-ce qu'il y a cette double filiation? Certainement. Alors, il y a, vous savez, la phrase de Rocard, le parler vrai. Il est transparent, pas toujours, mais il a la volonté de l'être, en tout cas. Il faut que la politique soit compréhensible, il faut être clair dans ses engagements, et puis assumer ses engagements. Par conséquent, Mendès France est un modèle de ce point de vue. Il faut songer que Mendès France, après sa rupture avec De Gaulle au lendemain de la Libération, est resté sans être ministre, sans portefeuille, jusqu'en 1954. Ce qui veut dire que c'est un homme désintéressé, qui avait de la conviction, des idées claires. Et la preuve avec la Ve République, quand il dit « Non, moi je n'adhère pas à cette constitution, je ne la servirai pas. » Alors, malheureusement, il y a chez Mendès un peu trop de rigidité. Ouais. Parce que, en refusant la Ve République, il refuse d'être candidat à la présidentielle. Résultat, eh bien ça fait le bonheur de François Mitterrand. Mais certainement, Mendès France est un modèle. Avec Rocard, il s'est bien entendu, sauf que à un moment donné, en 68, Mendès France a jugé Rocard un peu trop gauchiste, car il était à fond dans le mouvement, etc. Et là, Mendès France a eu peur d'un certain débordement. Et du reste, c'est à ce moment-là qu'il a démissionné du PSU, dont Michel Rocard était un membre éminent. Est-ce que c'est... Ça, je vous pose la question pour savoir si cette gauche incarnée par Mendès France, et on connaît aussi les rapports compliqués entre Mendès et Mitterrand. Ah, très compliqué. Est-ce que le fait que Michel Rocard appartienne à cette gauche-là, cette mouvance-là, qui sera incarnée après par Delors, Strauss-Kahn et jusqu'à Hollande, finalement, quelque part, est-ce que c'était un point de conflit pour Mitterrand? Oui, certainement, mais comme je l'ai dit, c'était peut-être pas le principal. Parce que Mitterrand juge la politique en termes de rapport de force et en termes de pouvoir. Il est de gauche et il veut arriver au pouvoir, lui avec évidemment la gauche. C'est son obsession. Que faire ? Eh bien, l'unité, vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut faire l'unité. Michel Rocard, lui, n'est pas dans cette obsession-là. Et en particulier, faire l'unité avec le Parti communiste, dans les années 1970, il n'en est pas question. Pour lui, c'est... Enfin, il l'accepte à la limite, mais c'est un pacte avec le diable. Bah oui, c'est un pari extrêmement risqué. C'est quand même un parti qui soutient un régime totalitaire au moment où il y a tous les grands écrivains dissidents, bientôt Solzhenitsyn, évidemment, qui diront ce qu'est le régime soviétique, s'allier au Parti communiste, il n'est pas partisan de cela. Mitterrand, lui, est aussi anticommuniste que Rocard, mais c'est secondaire. Ce qui compte, c'est l'alliance et la victoire. Alors, Jean Poprenne, qui était un dignitaire du PS à l'époque de François Mitterrand, parle de Rocard comme un virus. Est-ce qu'on peut parler toutefois, les mots sont violents, est-ce qu'on peut parler toutefois de haine entre Rocard et Mitterrand? Est-ce que le mot est approprié? Oui, je dirais que c'est une haine tempérée ouais, quand même. Par l'estime. Parce que des deux côtés, alors du côté de Rocard, ce n'est pas de la haine au départ en tout cas. Et il y a même un besoin chez lui d'être apprécié par Mitterrand, d'être aimé par Mitterrand. Et quand Mitterrand l'appelle comme Premier ministre, il est prêt à le suivre, n'est-ce pas? Il veut être considéré par Mitterrand. Mais évidemment, celui-ci lui fait tellement de croche-pieds que il en est arrivé à le détester. Alors justement, sur cette période, Michel Rocard s'est beaucoup épanché après, hein, ça lui a fait du bien. C'est défoulé. Ouais, il s'est défoulé. Donc il parle de cette période-là, en 2001, dans l'émission Samedi Matin sur France Inter. Il en a parlé dans plusieurs émissions, mais s'il fallait faire un choix, c'était bien celui de France Inter, on va l'écouter. Alors je me suis toujours demandé, j'en profite puisque vous êtes en face de moi, pourquoi avez-vous accepté d'être le Premier ministre de François Mitterrand, puisque vous n'avez que peu de respect pour cet homme et ses notoriétés publiques? Tout à fait, mais il ne s'agissait pas de François Mitterrand, il s'agissait de la France, figurez-vous. J'ai un immense respect pour mon pays, il y avait quantité de choses à faire. C'était dans le groupe de mes amis que s'était inventée cette idée du revenu minimum d'insertion. Il nous avait fait la grâce de reprendre l'idée dans la lettre à tous les Français. Mais c'était bien normal que les inventeurs, et d'abord moi, soient chargés de l'appliquer. Et puis, le président de la République me nomme Premier ministre, c'est pour servir la France beaucoup plus que lui-même. Ça doit être difficile quand même d'être Ça n'a pas été facile. Qu'en pensez-vous, Michel Vinocq? Ah ben non, ça n'a pas été facile, évidemment. mais au départ, Rocard réussit presque un exploit, c'est l'affaire de la Nouvelle-Calédonie. Oui, absolument. Et en réglant cette affaire pacifiquement, Mitterrand a été bluffé. Ouais. Il a été bluffé. Et quand il l'a nommé, vous le disiez tout à l'heure, il pensait qu'il resterait là 18 mois. Au fond, il le nomme pour qu'il fasse ses preuves et pour faire la démonstration qu'il n'est pas un homme d'État. Il veut lever l'hypothèque. Et puis voilà, l'hypothèque levée, on pourra passer aux gens sérieux, parce que la finalité de tout cela, c'est aussi qui va me succéder, moi, Mitterrand. Et certainement pas Rocard, qui est son rival, son principal rival. Ce qu'il voudrait, c'est évidemment que ce soit Laurent Fabius, qui est son poulain et qu'il va défendre pendant très longtemps, presque jusqu'au bout. Donc c'est très difficile, d'autant que... C'est pas lui qui choisit ses ministres. Tout à l'heure, je me suis amusé quand vous disiez au départ de l'émission, que Mitterrand disait « J'attends que Madame Edith Cresson me présente la liste des ministres ». Je dirais, vulgairement, tu parles. Oui, enfin, on peut le dire de tous les présidents. Exactement. Tous. Mais exactement. Seulement, lui, c'est un président de gauche qui annonçait quand même, n'est-ce pas, une nouvelle pratique politique, etc. Et par conséquent, voilà, un premier ministre qui n'a choisi pratiquement personne que deux ou trois ministres de sa tendance. Et les autres, ce sont les éléphants du parti qui sont là. Il est borduré, quoi. Et qui ne rendent pas compte, un Rocard de ce qu'ils font véritablement, mais au président de la République. Il est court-circuité. Et malgré cela, il fait, vous avez rappelé, un certain nombre de choses. On n'a pas parlé de la CSG qui est encore au champion, etc. Et bien d'autres choses encore. Donc, très difficile pour lui, qui a été, alors, arrive à ce moment-là la guerre d'Irak, n'est-ce pas, la première guerre d'Irak, et bien entendu, il n'a rien à dire. C'est le président de la République, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires extérieures qui s'occupe de la guerre, et lui, bah, c'est tout juste s'il apprend les nouvelles par les journaux, n'est-ce pas, à peu près. Donc, c'est très difficile. Et il est certain que Mitterrand même aurait voulu se débarrasser de Rocard avant s'il n'eut pas eu la guerre d'Irak. C'est ça. Qui a prolongé, en quelque sorte, son mandat. Quel est, selon vous, Michel Vinocq, l'élément déclencheur de la guerre, enfin la guerre symbolique, politique, entre Mitterrand et Rocard? Il y en a plusieurs. Oui, il y en a peut-être plusieurs. Peut-être qu'il y en a un c'est... qui est prégnant. Écoute, d'abord, il y a le départ, au départ, il y a quand même les sources d'un antagonisme qui remonte à la guerre d'Algérie. Il ne faut pas oublier que Rocard représente la génération qui a été hostile à la guerre d'Algérie, qui est partisan de la décolonisation, tandis que Mitterrand était le ministre de Guy Mollet, ministre de la Justice, qui était farouchement favorable à l'Algérie française. Ouais. Donc il y a ce divorce-là. Ensuite, il y a 68. 68 qui a complètement retourné François Mitterrand, qui l'a laissé comme ça incertain, sans prise sur la réalité, alors que Rocard était comme un poisson dans l'eau, dans le mouvement autogestionnaire, etc. Donc ça remonte assez loin. Mais je pense que le tournant véritable, c'est peut-être 78. Le soir des législatives. Oui. C'est ça. Oui. Ouais, ah, je crois que là, il y a un tournant. Lorsque, à la télévision. C'est frontal, hein, vraiment. C'est Rocard fait un numéro incroyable. Ouais. En disant, c'est la huitième fois, n'est-ce pas, que la gauche a perdu. Et pourtant, n'est-ce pas, elle sera un jour, moi, etc. Alors, Mitterrand écoute cela, il est sidéré. Parce que pour lui, Mitterrand, les résultats de 78, c'est pas si mauvais. Pour la première fois, le Parti Socialiste devance le Parti Communiste et que, potentiellement, il voit bien qu'il y a une chance pour lui d'être élu C'est une étape 80, supplémentaire vers 81. Michel Vinocq, il nous reste juste 10 secondes. Vous avez bien connu Michel Rocard, je crois. Juste un mot. Il vous a fait part un jour de sa difficulté avec Mitterrand? Comment il en parlait? Ça allait de soi. Même pas la peine d'en parler, ça allait de soi. Très bien, merci infiniment Michel Vinocq. Je rappelle donc l'apparition de votre livre en format folio poche la semaine prochaine. Ça s'appelle Mitterrand, tout simplement. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la rivalité Mitterrand-Rocard, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous reviendrons sur le dossier Wikileaks. Bonjour Vincent Josse. Et bonjour Fabrice Drouel, comment allez-vous? Très bien, je vais vous couper l'herbe sous le pied en rappelant que c'est pas l'homme qui prend la mer, mais c'est la mer qui prend l'homme et sa musique. Vous connaissez beaucoup de choses sur la mer et la chanson. Oui, puis sur votre programme aussi. Et bravo. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est la mer, bien sûr. Bien sûr, oui, on prend la mer aujourd'hui. Très bien, merci.